Chapitre 7e. Un matin, Lady Clarkson entra dans l'atelier de Henry. Il copiait des motifs sur la lisse d'une vieille tapisserie pour les reproduire sur la bordure des fresques. C'étaient des chimères à demi-corps de femme dont la taille se perdait dans un rinceau. La châtelaine s'assit sur le divan à côté du chevalet, et après avoir considéré le carton, elle trouva le torse des chimères un peu frêle. « Je leur voudrais, dit-elle, la gorge plus arrondie, le sein plus gonflé, comme les femmes des maîtres flamands. »« Peut-être avez-vous raison, » répondit le jeune homme. « Mon cher Henri, ce n'est pas que ces chimères ne soient pas jolies, mais elles ressemblent trop aux vôtres, c'est-à-dire qu'elles ne prennent pas corps. Elles restent à l'état fluide comme des anges, au lieu d'être en chair comme des femmes. Pardonnez-moi, je ne suis qu'un écolier, je vous l'ai dit, il me manque encore de l'étude. Il vous faudrait travailler pendant quelque temps le modèle vivant. C'est ce que je me promets de faire quand j'irai à Paris. Pourquoi à Paris? Vous pourrez trouver ici des modèles tout aussi parfaits qu'ailleurs. Vous réussirez promptement à posséder ce qui vous manque, la ligne de la nature, le sentiment de la couleur vraie et des tons vivants. La ligne idéale est sèche et froide. Ce qui vit est mobile, chaud, coloré. Voyez les belles femmes qu'a peintes Delacroix dans la Sardanapale exposées dans la galerie. Je les ai souvent admirées. Admirez-les encore. Cela vit, cela palpite. Le cou s'attache bien comme ceci, dit Lady Clarkson, en entr'ouvrant le col de son peignoir entouré de malines. Et le sein se gonfle en dessous en ligne douce. Vous imaginez-vous bien cela? Henri rougit et ne répondit pas. Croyez-moi, reprit la châtelaine, cherchez un modèle et copiez-le. L'étude de la nature, il n'y a rien de tel. Je ne pense pas en trouver un ici. Mais si, pourquoi pas? L'art, c'est une chose à part. Il permet toute liberté. N'a-t-on pas vu autrefois les plus belles patriciennes de Venise poser devant les peintres de leur pays? Est-ce que des duchesses ne servirent pas de modèle au Tizianello ou à Hans Macart? Toute femme ayant le sentiment de l'art ne peut refuser cela à un artiste. Je ne vous proposerai pas d'imiter la Béatrice de Musset, mais enfin, tenez, je puis vous offrir une gorge pour vos chimères. » Et Lady Clarkson, dégrafant un peu son corsage, se découvrit légèrement. Henri sentit un grand feu envahir son visage. Ses yeux se troublèrent. Il saisit un pinceau d'une main tremblante et jeta quelques touches, au hasard, sur le carton, mais tous ses nerfs se roidirent, le sang frappa ses tempes avec violence et il chancela. La châtelaine se précipita pour le retenir, et la tête du jeune homme tomba sur sa poitrine. Il se redressa comme s'il se fût brûlé. « J'étouffe, pardon, j'étouffe !»« Je n'ai rien à vous pardonner, mon cher enfant. Je ne vous savais pas si impressionnable. Je regrette de vous avoir, par une action si simple, troublé à ce point. Je crois en effet maintenant qu'il vous faudra attendre encore avant d'étudier les modèles. Ne parlons plus de cela. » Elle rajusta son corsage, ouvrit la fenêtre donnant sur la rivière et dit « En vous voyant ainsi, délicat comme une petite maîtresse, je songe combien il serait malheureux de vous exposer seul dans Paris. Il vous faut les soins d'une mère. Vous les trouverez ici longtemps encore, je l'espère. Au revoir. » Et Lady Clarkson, soulevant la portière, disparut en souriant. Henri essaya de se remettre au travail. Il se demandait s'il était éveillé. Une chaleur fiévreuse lui montait à la tête. Tout dansait et s'agitait confusément à ses yeux, comme s'il se fût grisé. Il sortit et s'enfonça dans le parc. La journée était chaude, pas un souffle d'air. Les taillis pressés formaient des masses sombres de feuillage sur lesquelles se détachaient les tons argentés des bouleaux. Des mousses veloutaient le tronc des chênes. Des marguerites s'en allaient par fils. Dans les fourrés, on entendait des petits cris effarouchés et des frôlements d'ailes. Il s'assit sur un banc, et la tête appuyée sur ses mains, chercha à fixer ses pensées en désordre. Il demeura le regard perdu sur les coulées vertes du bois, respirant les senteurs douces qui s'exhalaient à chaque frissonnement des branches. Tout à coup, au bout d'une allée, une ombre se dressa devant la perspective ensoleillée. C'était Marthe qui s'avançait. Henri se leva, courut à sa rencontre et, lui prenant la main, la fit asseoir auprès de lui. « Il faut que je vous parle, » dit-il. « Il y a certaines choses que je devine mal et que vous devez savoir. L'autre soir, j'ai prononcé le nom de Lady Clarkson et vous avez crié « Non, pas cette femme. Vous la haïssez donc ?»« Bien que j'en aie le désir, je sais que ce n'est pas à moi de vous éclairer sur ce sujet, monsieur Henri. Mais vous me semblez agité, inquiet. Qu'avez-vous donc ?»« Rien. Je voudrais seulement savoir ce que vous pensez de Lady Clarkson. Dites-moi d'abord ce que vous a fait cette femme, pourquoi vous êtes chez elle et pourquoi vous y restez. Ne vous l'ai-je pas déjà dit? J'étais amené ici par Gaston. Et alors vous y resterez comme lui, jusqu'au jour où elle vous mariera? Mais, tenez, monsieur Livret, je vous estime, et je vois que pour garder cette estime, il faut nous parler franchement. Aimez-vous cette femme? Moi, jamais. Savez-vous ce qu'elle a été pour Gaston? Une amie, une protectrice, je pense. Oh, mon pauvre monsieur Henri, vous êtes bien confiant et bien facile à abuser. Vous avez les yeux fermés sur tout ce qui est mauvais. Je crois vraiment à votre sincérité. Eh bien, au nom de l'amitié que je vous porte, laissez-moi vous donner un conseil. Partez, quittez cette maison où vous y laisserez tout ce que Dieu a mis en vous de bonté et d'intelligence. Je ne vous comprends pas bien. Je ne peux pas vous en dire plus. Partez. Partez, moi je ne le peux pas, mais ce sera une consolation pour moi de vous avoir sauvé. Je vous en prie, achevez. Je vois maintenant, je vois. Lady Clarkson a aimé Gaston, comme elle vous aime, acheva Marthe, subitement résolue à laisser déborder son cœur. Quand elle a été lasse de votre amie, elle l'a mariée, elle l'a payée de ses services avec moi, et Gaston l'en a remercié en vous offrant à elle. Comprenez-vous maintenant? Oui, dit Henri, mais c'est affreux. Oh, je vous en prie, dites-moi que vous ne m'avez pas cru un seul instant capable d'accepter une pareille situation. Non, mon ami, non, répondit la jeune femme. Mais d'autres ont pu le croire. On l'a chuchoté autour de moi, et demain, peut-être, vous l'auriez entendu de la bouche d'une fille de chambre ou d'un valet. Aussi, c'était en moi une grande lutte entre la honte de vous entretenir de pareilles choses et le désir de vous sauver de tout danger, de toute humiliation et de toute peine. Merci, vous êtes bonne, Marthe. Laissez-moi vous appeler ainsi. Combien je vous aurais aimé si je vous avais trouvé plus tôt sur mon chemin. Le jour où vous êtes devenue la femme de Gaston, il m'a semblé qu'il m'enlevait ce que Dieu m'avait destiné. J'ai souffert pour vous, car je pressentais que votre union serait malheureuse. Et si je n'ai pas déjà quitté Mareuil, je vous assure que vous seul m'y reteniez. J'étais malheureux à la pensée de m'éloigner de vous. Mais aujourd'hui, il n'y a plus à hésiter. Je partirai. Je vais partir. Permettez-moi seulement de vous demander une grâce. C'est de conserver mon souvenir, de me considérer comme votre meilleur ami et de m'appeler si jamais un malheur vous menaçait. « Je vous le promets, » répondit Marthe. « Adieu, » dit Henri. Il lui pressait la main. Son regard semblait implorer une dernière chose. « Marthe, bien des fois je vous ai embrassé près de Gaston comme un frère. Donnez-moi un dernier baiser. Il ne sera pas moins pur que les autres, quoique nous soyons seuls. Vous me causerez la première joie de ma vie, et ce souvenir me rendra le courage s'il vient à me manquer. » Elle ne répondit pas et regarda Henri de ses yeux mouillés comme si elle eût voulu sonder son âme. Sans doute elle comprit que rien de mauvais ne se cachait dans ce cœur simple et loyal. Elle se pencha vers le jeune homme. Il prit le baiser qu'elle lui donnait et la quitta sans honte, sans faiblesse, emportant dans son être quelque chose de divin.